un mouvement. Tu es fait nous d'arrêt cette pédophilie. Fils de pute, on devrait faire la même à ta fille. Histoire que tu ressentes la douleur de ses familles. C'est tu dis président, derrière t'as la tête d'un mouvement. Tu es fait nous d'arrêt cette pédophilie. Fils de pute, on devrait faire la même à ta fille. Histoire que tu ressentes la douleur de ses familles. Ces gosses qui meurent de faim, marchent sur des mines, casse-pipe pour leur mif. Histoire qu'elle crie plus famine. Et ces politiciens qui sert à rien, et ces journalistes qui font un t'aggraver les faits. En effet, mon frère, les drames, les faits divers s'enchaînent. Au nom de ces fils de pute passent du bon temps avec leurs chaînes. Pour l'homme, les frères et sœurs sont chaînés à la chaîne. Les mères alarmées sur des chaînes télévisées. Ça me révolte de voir les démunis sont pris pour cible. Normal après, qu'ils se munissent d'armes d'automatique. Dans leur tête, ils pensent qu'à venger leurs parents, se taper pour cible. Et t'as tué, t'as